Là-bas, c'est comme ça que s'appelait Caïman. Tu sais, mon fils, combien l'argent rend égoïste. Repense-y chaque fois, tu peux manger pour 10. À tous les parents démunis, à tous ces petits anges qui doivent creuser pour vivre. À tous ces petits anges qui doivent creuser pour vivre. Tous mes tirailleurs frelons se reconnaissent. À tous ces petits anges qui doivent creuser pour vivre. Sur le banc de touche, à chaque village on fait notre vie mode code quantum.